bien sûr, l'avenir du monde m'attroupe. C'est certain. Il faudrait être complètement sourd et aveugle pour ne pas être inquiet. Bienvenue à toutes et à tous. Suivez le guide, vous invite à 2, 5 à 7. Deux virées sétoises, 7 dans l'Hérault, nous sommes en Occitanie. 7 compte plus de 43 000 habitants. Et c'est la ville natale de Georges Brassens qui sera largement évoquée. Vous faites pas une chanson pour vous répondre à une question? Non, pas tellement. Je fais une chanson pour chanter. Chanter un peu comme un oiseau, encore que je chante moins bien qu'un oiseau. Pour chanter, pour danser avec des mots. C'est ma façon de danser, moi qui ne sais pas danser, qui n'aime pas tellement la danse. Je fais danser les mots, ça me fait vivre. C'est un peu, il faut bien dire, une espèce de musique quand même. Mais aussi de Paul Valéry, Jean Villard et Manitas de Plata, un ami de Georges. Cette si belle sur la mer, au pied du Mont Saint-Clair, tu brilles au grand soleil. Cette est parfois surnommée la Venise du Languedoc pour son canal et sa situation privilégiée, avec son littoral de sable fin. Son port de pêche a permis à la ville de prospérer. Et en 2016, le port de Sète a fêté ses 350 ans. Cette Venise du Midi, pour fêter Saint-Louis, tu mets ton habit blanc. À Sète, on peut choisir d'aller sur les bords de la mer Méditerranée ou de l'étang de Thau, le plus grand plan d'eau d'Occitanie, avec une superficie de 7500 hectares. La ville de Sète est née en 1666, d'une décision royale et de la volonté de trois hommes, Paul Riquet, fermier général des Gabelles et entrepreneur, Louis XIV et le chevalier de Clerville qui était ingénieur des fortifications. Paul Riquet cherchait un débouché sur la Méditerranée pour le canal du Midi dont il avait entrepris le creusement. Louis XIV avait chargé son ministre Colbert de trouver une rade pour les galères royales et d'y créer un port d'exploitation des produits du Languedoc. Colbert confia cette tâche au chevalier de Clerville, qui identifia le cap de Sète comme le site le plus approprié pour la création d'un port. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Je fais revoir ma montagnette Saint-Louis et sa Vierge d'or, ma sétoise, ma pitchounette, dont le cœur m'est un grand trésor. C'est un sétois, et même pour être précis, un pointu, natif de la Pointe-Courte, petit quartier nord, sur l'étang de Thau, qui sera notre guide, Jean Brunelin, Jeannot, qui est connu bien Brassens, et davantage encore son meilleur ami, Lolo Spinozzi, dont nous parlerons. Après le séjour sur la Pointe-Courte, nous rejoindrons la ville, que nous évoquerons avec Lisa Miranda, de l'Office de Tourisme. Peut-être première chose à dire, Jean Brunelin, c'est une île. Sète, c'est une île. Hein. Au temps des Romains, l'étang n'était pas encore formé. Metz était un port de mer et Bougigue, qui existait au temps des Romains, Balaruc également, étaient des ports de mer. La bande littorale s'est créée avec les alluvions du Rhône après les Romains. Mais il a fallu un moment, ça a créé des étangs. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait que des étangs sur la bande littorale. Aujourd'hui, ils ont comblé, ils ont fait des zones industrielles, ils ont fait des trucs. Mais si vous montez à Saint-Terre, vous vous rendez compte que Sète était une île il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, alors, c'est le canal du Midi qui en a fait une île. Je vous me montrerai la sortie du canal du Rhône à Sète, hein, dont les péniches venaient du Rhône à Sète par une entrée que je vous montrerai. Les péniches prenaient l'étang et elles prenaient le canal du Midi de l'autre côté de l'étang jusqu'à Toulouse. Hein. Et c'est ça, avec la foire de Beaucaire qui a fait un trafic important au niveau économique. Ces péniches s'arrêtaient à Sète, ça a fait assez de trafic. Si on ne va pas raconter toute l'histoire de Sète, elle remonte il y a fort longtemps, hein, l'histoire de Sète, mais la ville vraiment a été fondée par Louis XIV. Si on ne parle pas de l'histoire ancienne, oui, romaine, etc. Moi je dis toujours que Sète est une ville relativement jeune. Donc, c'est une ville qui a un passé relativement récent, c'est Louis XIV. Autant les villages qui sont en face de l'étang ont une antiquité vénérable. On trouve des traces phéniciennes à Metz. Agde était une ville grecque, était un comptoir grec. Balaruc, c'était des termes romains. Et Sète, il n'y a eu aucune occupation permanente jusqu'à Louis XIV. Il y avait quelques métairies qui appartenaient à l'abbaye d'Agde, avec quelques paysans où ils cultivaient, mais aucune occupation. Les Romains faisaient des saleries d'eau de poisson à la pointe que vous voyez là-bas, au Barou. Et ils faisaient le fameux garum qui était connu dans le monde romain, qui aujourd'hui est devenu le Norgman, c'est la même le chose. Le Norgman, hein. Ah oui. Oui, oui, c'est la même chose. Donc, les Romains qui étaient en face, à Bouzigues, à Metz et à Balaruc, sur l'île de Sète, ils n'avaient que des fabriques de garum et de poissons séchés, voilà. La chanson que je vais vous interpréter maintenant, elle s'intitule « Mour de porc ». Pourquoi le mour de porc ? Simplement que c'était l'ancêtre de nos chalutiers d'aujourd'hui. Et c'est la vie du marin à bord. Alors bon, cette la mer bien sûr on est au bord de la Méditerranée, mais l'étang est important, c'est l'étang de Thaux. Oui, c'est l'étang de Thaux. Alors cet étang fait 80 km de tour. Oui, c'est un gros étang. Oui, c'est un gros étang. Et c'est là où il y a les fameuses huîtres de Bouzigues, hein, ils font un gros commerce d'huîtres. Dans l'étang, on pêche des palourdes, on pêche des huîtres sauvages, mais il y en a de moins en moins. Et la seule entrée d'eau de mer, vous l'avez devant vous, c'est le canal que vous avez vu. Donc le plancton et les eaux chargées en nutriments baignent l'étang et rentrent par là, en face aux Bouzigues. Voilà. Donc c'est un étang d'eau salée. C'est un étang d'eau salée, oui. Et même l'étang est plus salé à la mer parce qu'avec l'évaporation, le sel se concentre. Voilà, et toute l'activité, donc huîtres, etc., c'est dans l'étang de Thaux. Oui, oui, c'est dans l'étang de Thaux. Bon, il y a des pêcheurs, des petits métiers qui ramassent des coquillages à la mer, notamment des huîtres de mer, mais ce sont des plates. Ces huîtres ne peuvent pas se cultiver, il y a eu des essais, ils n'y arrivent pas. C'est l'Ostereae d'Ulysse, c'est la plate qu'on trouve sauvage. Mais alors finalement, y a-t-il deux familles de pêcheurs, les pêcheurs de l'étang, oui, et les pêcheurs de la mer? Exactement. Les premiers habitants de Sète, dont ma famille qui arrive en 1680, étaient pêcheurs. Et ils viennent de Catalogne. Et ils pêchent à l'étang parce que l'étang était très poissonneux. Ils pêchaient ce qu'ils voulaient. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 50, vers cette heure-ci, là, vers midi et demi, une heure, les pêcheurs rentraient. Et là, il y avait des bateaux pleins de poissons partout. Ma mère me disait, va tirer une sole ou des rougets. Oh, je donne moi une sole pour Mado, ils m'ont donné une sole en rouget. Alors, on était pauvres à la pointe. Alors, on ne pouvait pas acheter du poulet, on en rêvait, on n'en mangeait jamais. Et on se plaint, on était pauvres, mais on mangeait que des soles et des rougets. Oui, maintenant, mais vous faisiez des pêches miraculeuses. Voilà, maintenant les soles le vendent 50 euros le kilo au marché. Voilà, et on mangeait que ça. Toutes les familles faisaient la pêche, et on était tous parents. Et c'était sensationnel, puisqu'on était une communauté. Comme dans les tribus africaines, un vieux était tout seul, il n'était jamais seul, on s'occupait de lui. Alors aujourd'hui, j'en parlais avec une cousine à moi, je lui disais, mais combien il reste de vrais pointus maintenant à la pointe? Elle me dit, estime qu'il n'y en a que 30%. Tout le reste, ce sont des gens qui achètent des maisons, de Paris, de tout ça. Il y a très peu de pêcheurs, des vrais pêcheurs au filet, il n'en reste que 4 ou 5. Voilà. En sortant de la gare de Lyon, il constate avec stupéfaction que le porteur qui lui prend sa valise teste et c'est toi. Que du taxi, le chauffeur, oh surprise, encore un c'est toi. Que l'agent de faction qui gentiment renseigne, toujours un c'est toi. Et le bougnat qui lui vend des châtaignes, c'est Mayen, c'est toi. Les habitants de la pointe sont les pointus. Ce qu'on n'a pas encore précisé, Jean, c'est qu'on bavarde. Ici, on est à la pointe courte. C'est vraiment là qu'est née la ville de Sète, la ville actuelle. Née ici, à la pointe courte. J'insiste sur le point, c'est la pointe courte de la Bordigue. Parce que les premiers habitants de Sète sont arrivés à la Bordigue. Et c'est là où se sont installés les premiers pêcheurs. Et quand ils construisent la voie de chemin de fer, en 1836, les pêcheurs qui étaient sur cette pointe ont du mal à aller travailler. Les autorités, avec les déblais des travaux du chemin de fer, jettent là et font une pointe. Et les pêcheurs construisent des cabanes et les bateaux, ils peuvent continuer à travailler. Et quelques pêcheurs s'installent dans leurs cabanes, dont ma famille. Donc moi, je peux dire que je fais partie de la famille qui crée la ville de Sète et de la famille qui crée la pointe courte. Voilà. Voilà. Et les cabanons sont devenus aujourd'hui des petites maisons. Vous en voyez encore des cabanes. Ah là, il y a encore une cabane. Ouais. Il y en a peu. Oui. Mais sinon, vous voyez, tout ça ici, c'était des cabanes. Ouais. Et les temps arrivaient au seuil des cabanes. Donc il y a des artistes ici. Ah, il y a toujours eu des artistes à la pointe. Hein. Et ça, c'est une chose flagrante que vous voyez devant vous. C'est un nommé Isoire, qui est une famille célèbre de la pointe courte. Et tous les Isoires font ce genre de choses. Alors moi, je rigole quand je vais en ville, que je vois Di Rosa qui a fait son musée d'art modeste. Mais l'art modeste, c'est ça. C'est le vrai. Celui-là, c'est pas du cinéma. Et celui-là, il sait toujours faire la pointe courte. Donc voilà. Comment décrire ça? On pourrait dire que c'est une espèce de bric-à-brac. Un bric-à-brac. Avec des objets très hétéroclites. C'est l'art modeste. Qui ont été ramassés, collectés. Vous en verrez plus loin là-bas. Ça, c'est typique de la pointe. Bon, aujourd'hui, on dirait que c'est une installation aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, attendez, on dit. Ah oui, aujourd'hui on dit une performance. Voilà, si on ne fait pas une performance, on n'a rien fait. Voilà, mais voilà. Donc c'est un assemblage vraiment d'objets collectés. Ouais, hein, c'est collecté, regardez, tout ça. C'est de la récup. Hein. Il faut le regarder de près. Cette si belle sur la mer, au pied du Mont Saint-Clair, tu es chère à mon cœur. Cette ma jeunesse a couru. Tout le long de tes rues, du môle au Sacré-Cœur. Cette par un matin d'été, un jour je reviendrai vers toi, mon vieux pays. Il y a les habitants de la pointe, les pointus, mais parmi les habitants de la pointe, il y a des pointus à quatre pattes, sont les chats. Alors on peut se dire, c'est le poisson qui attire, oui, les chats ici. Vous verrez à la pointe. Vous verrez beaucoup plein, de chats. Hein, plein. Alors pourquoi il y a beaucoup de chats à la pointe? Parce que les gens qui voulaient abandonner un chat, hein, ou des petits chats qui venaient de naître, ils ne voulaient pas, ils venaient les apporter à la pointe et ils s'en allaient en courant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient certains qu'ils mangeraient. Les pêcheurs arrivaient à une heure et il y avait du poisson partout. Et ces chats ne mouraient pas. Ouais. Ils ne sont pas maigres. Hein. Non, ils ne sont pas maigres. Et voilà pourquoi on trouve beaucoup de chats à la pointe. Et il y a une dame qui a même monté une maison des chats. Donc ce sont des centaines de chats Là, on en a facilement une dizaine. C'est des centaines de chats, oui. Bonjour. Les gens venaient abandonner les chats à la pointe parce qu'ils savaient... Ils continuent. Parce qu'ils savaient qu'ils mangeraient les poissons arrivés à une heure et ils jetaient du poisson. Ils avaient toujours à bouffer, les chats. C'est pour ça qu'ils venaient ici d'abandonner. Qui s'occupe des chats? L'association Pâte de Velours. L'association de Velours. Donc les chats ont leur cabane, enfin c'est un beau cabanon. Hein. Oui, c'est bien. Ça, c'est les bénévoles qui ont fait ça. Elle en fait partie, cette dame. Non, je n'en fais plus partie. Elle en a fait partie. Ah bon, elle en a fait partie. Elle a fait partie, d'accord. Des bénévoles qui ont beaucoup fait pour l'association, d'accord. Ils sont bien, ils sont confortables. Hein, ils sont confortablement installés. Voilà. Mais vous avez une idée, vous les connaissez, tous ces chats-là? Oui, et elle continue. C'est vrai, ils ont tous un nom? Oui. Bah, dites-nous alors, comment ils s'appellent-ils? Là, c'est Arou. Là-bas, c'est Chippy. Ils ont tous un prénom, là, les chats. C'est Logan. Et la nuit, la pointe courte est à eux. Donc la nuit, ils sortent. Ouais. On est passé, Jean, de la cabane des chats à la pointe du rat. Mais du rat, RAT. Hein. RAT, oui. Pas RAZ. Bon, alors, la pointe du rat, c'est un lieu qui a été construit. C'est lui qui a jeté les pierres pour faire un petit... Une petite terrasse, il a construit la cabane, c'était un de mes amis, c'était Néné Sabatier. Bon, cet ami est mort, et aujourd'hui c'est son fils qui fait vivre le lieu là. L'été on venait manger là, souvent il faisait de la grillade, il y avait deux ou trois guitaristes, on chantait Brassens quoi. Alors c'est là où on chante les copains d'abord. Hein. Ouais. Voilà. Et on le vit aussi. C'est ici là, c'est ici. Ouais. Alors là vous voyez les filets là. Là, ils calent les filets en ce moment, vous les voyez là, les filets. Oui. Donc, ils pêchent de la dorade, de l'anguille. Là, on voit Balaruc en face, hein, qui est une station thermale. Ça, c'était des thermes romains à l'époque. Nous, à l'époque, toutes ces usines n'existaient pas, là, vous voyez. Là, c'est une plage, la plage du Creusot. Alors, on est là, la plage du Creusot, et on pêchait des palourdes et des clovis. Mmh. Donc, tout ça, toutes ces usines, ça a été construit. Mais voilà. Ça n'a rien à voir. Ouais. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Suivez le guide est à Sète, et plus précisément à la Pointe Courte, que nous découvrons avec un vrai personnage, Jean Brunelin, au parcours riche et varié. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Tous ces artistes, Jean Brunelin, de la Pointe Courte, mais traditionnellement, sont aussi des pêcheurs de la Pointe Courte, enfin sont les mêmes quand ils pêchaient pas qui étaient artistes. Ah oui. Les gens de la Pointe, ils étaient pêcheurs. Hein. Je vous disais qu'à l'époque, quand j'étais petit, quand j'étais à la pointe, toutes les familles faisaient la pêche et on était tous parents entre nous. Hein. Et ces gens de la pointe ont eu une particularité, ils ont toujours fait des œuvres artistiques. Un faisait des bateaux, l'autre il faisait des œuvres, comme vous verrez, assez psychédéliques. Et chacun faisait des choses. Ça, c'est une particularité de la pointe de Cour. Et il y a vraiment une... Alors, dans les traditionnels, les habitants traditionnels de la pointe, pas ceux qui s'installent aujourd'hui, mais il y a vraiment une ambiance particulière, enfin, un caractère particulier par rapport aux autres, c'est toi, quand on est de la pointe. Oui, bien sûr, absolument. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Enfin, aujourd'hui, tout se mélange. Bien sûr. C'est un peu comme la mondialisation. Hein. À terme, il y aura qu'une seule culture. Mais à l'époque, à la pointe, on n'avait pas l'impression d'être à Sète. Il y avait la barrière du chemin de fer. C'était notre frontière. On allait à Sète. Nous, on était le petit village de la pointe, comme le village d'Astérix. On était des pointus. Et surtout, on ne parlait pas le français, on parlait le patois à la pointe. La langue mère restait présente. Et quand on se voit, vous verrez, si on rencontre des copains à moi de la jeunesse, je parlerai patois. Hein. Ouais, donc le patois, c'est... C'est l'occitan. L'occitan. Hein, l'occitan. Hai visto l'orgo Rainar leve, hai visto l'op Rainar danzar. Hai visto l'orgo Rainar leve, hai visto l'op Rainar danzar. Cotei te passion l'accord de L'Occitanie était un pays avec sa langue. C'est pour ça que les vieux, quand on était à table, quand on était petit, on ne parlait pas le français, on parlait l'occitan. Mm-hmm. Nous, on dit le patois, hein, mais enfin, c'est de l'occitan. Et les vieux disaient, on parle la langue de nos envahisseurs. Ce qui est la vérité, les Français nous ont envahis. Hein. La France était un pays, l'Occitanie était un autre. Donc les vieux étaient bien conscients de cette chose. Ils disaient, on parle. Et nous, on l'a maintenu longtemps, cette langue. Les petits de la pointe, à l'école, on parlait le patois entre nous. Ça embêtait, était le maître, ou quand on avait un truc à lui dire pour pas qu'il comprenne, on ne parlait patois, vous voyez, voilà. Alors, et les Italiens, parce qu'il y a eu une immigration italienne importante, oui. C'est pas ici, alors les Italiens. Alors, les Italiens, ils ont pris la mer, ils ont pris le côté de la mer. Les premiers Italiens arrivent après la Révolution française. Moi, j'ai écrit deux livres sur l'immigration italienne, parce que personne ne l'avait raconté. Moi, je leur demandais, ça m'avait interpellé, cette immigration, parce que c'était vraiment teinté d'italienne dans la cuisine, dans la mentalité. C'était une mosaïque latine de plusieurs pays latins, et on sent vraiment cette latinité. Et moi, j'ai voulu savoir pourquoi ils étaient venus ici. Aucun d'entre eux n'a pu me le dire précisément. Donc, je suis allé chez eux, parce qu'en réalité, ils viennent de deux villes différentes, de Cetar et de Gaète. Une est au nord de Naples, l'autre est au sud. Et moi, je suis allé là-bas, parce que moi je suis un ancien journaliste, donc c'est le réflexe du journaliste, et j'ai écrit deux bouquins sur l'immigration italienne. Et je leur ai dit, pour les embêter, je leur ai dit, voyez, il a fallu que ce soit un Français qui écrit qui raconte l'histoire. Vous en connaissez des chansons, hein. Et des miennes, les vôtres en particulier, je les connais à peu près toutes, et j'en connais même de temps en temps, que vous avez oublié, par exemple, celle-ci, je suis certain que vous n'en souvenez pas trop. La marquise est bien vieille, elle reçoit dans un salon râpé où tout est des luxes et pauvreté. Ce duc, vous vous en souvenez de ce duc? De quel duc? À qui tout appartenait? Les Italiens, ce sont des pêcheurs. Ils partent de la région de Naples et ils cherchent l'anchois. Ils partent parce qu'ils ont... Ils cherchent l'anchois. Ils cherchent l'anchois. Ils ont rien à bouffer là-bas. Ils cherchent l'anchois et l'anchois, ils le retrouvent ici et ils s'installent. Mais quand ils viennent pêcher à l'étang, là où il y a tous les pêcheurs de l'étang leur disent, écoutez les amis, vous êtes bien gentils, mais l'étang il est à nous, laissez-nous-le. Ils pêchent ce qu'ils voulaient. Allez à la mer, on ne viendra pas vous embêter. Voilà. Donc on leur laisse la mer. On leur a laissé la mer. Et voilà pourquoi ils sont côté mer, les Italiens. Mais il y a un quartier, leur quartier, le quartier des Italiens, le quartier haut, ça il faut aller le voir. Et ici, à la Pointe Courte, dans les années 50, Agnès Varda a tourné un film, on est une fiction, hein. On est au tout début de la nouvelle vague, et vous avez vécu ça, Jean, le petit Jean a vécu ça. Oui, fatalement. Enfin, le jeune, très jeune Jean. Voilà, fatalement. Moi, je suis né en 45, donc quand il est arrivé, cette équipe de cinéastes, dans ce quartier d'Indiens de la Pointe Courte, ça nous a paru drôle. Hein. Ils mettaient des rails partout, ils mettaient des caméras. Tout le monde regardait ça. Moi, je devais avoir, écouté. Je pense que c'était en 56. Je devais avoir une dizaine d'années. Oui. Hein. Et donc, dans certaines scènes, On me voit quand il y a la fête de la pointe, puis quand les enfants ils font le capé d'Elsa qui se pousse au canal, on me voit, tout ça. On a bien vécu ce film, et ce film il est formidable, pas pour le film. Enfin, ça a été quand même le premier film Nouvelle Vague. Pas pour le film, parce que ce film montre la vraie pointe, la pointe que moi j'ai connue et que j'ai aimée, qui ne ressemble surtout pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Oui, c'est grâce à Nied Varda qu'on peut revoir les images de la pointe de Courte, avec les vieux, avec les gens. Et après tout, c'est logique de tourner le premier film Nouvelle Vague au bord de la mer, après tout. Oui, l'histoire aussi s'y prêtait. Nied Varda a été très bien reçue, d'ailleurs, elle vient souvent. Et vous verrez qu'à la pointe Courte, il y a une rue Nied Varda. C'est étonnant, alors je regardais là, on est devant une cabane, la maison du Corse, fermée pour cause de fermeture. Voilà, alors ce genre de choses que vous voyez, tous ces mots-là, fermée pour cause de fermeture, la maison du Corse, tout ça, ça c'est vraiment typique de la pointe. Les pointus, ils ont toujours fait ce genre de plaisanterie. Les cabanes de pêcheurs, il y en avait beaucoup, c'est pour ça que je vous dis que Lolo Spinozzi, le pêcheur, là où venait se réfugier Brassens, il avait une cabane. Et Lolo, c'était pareil. Lolo, il était sculpteur, il était peintre, sa cabane était magnifique, avec des choses pendues et tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment le pêcheur qui a une cabane. Il a la décor, hein, avec des choses que la mer lui apporte ou des choses qu'il trouve. Oui, c'est de la récup. Il ne les achète pas. Lolo, enfin, moi, je lui ai connu une deux cabanes. Il en a démoli une et en a construit une autre. Eh bien, la deuxième qu'il a construite en 1974, j'étais avec lui. Lolo se faisait l'honneur de dire qu'il avait construit sa cabane avec ce que lui avait apporté la mer, des madriers, des morceaux d'arbres. Il avait construit la cabane avec ce genre de choses. Je viens toujours ici, ça a changé quand même la pointe Courte. Hein. Ça s'est embourgeoisé. Et maintenant on loue des villas pour les gens en vacances. Et puis il n'y a plus assez de pêcheurs. Il y en a 10 fois moins. 10 fois moins de filets. Mais je reconnais quand même la structure de la ville avec cette pointe sur l'étang. Moi j'ai fait de la pêche sur l'étang, j'ai fait des choses. J'ai fait de la godille sur les canaux, j'ai fait beaucoup de choses dont j'ai gardé un goût. J'ai gardé le goût, je ne peux plus le faire hein, par contre. Alors là on a une nouvelle installation donc. Ça, dans ça les c'est armoires. Vraiment typique hein, de la pointe Courte. C'est l'arbre de Noël de Louloumol. Hein. Et tous les ans, Loulou Molle qui habite derrière, donc c'est pas un sapin, hein. Il fait son sapin de Noël. Oui, qui n'est pas un voilà. sapin. Et c'est un sapin de Noël avec des choses. Oui, mais c'est un sapin de Noël qui n'est pas un sapin. Quand même. Qui n'est pas un sapin, voilà. Mais alors tout avec plein de choses suspendues dans les voilà. branches. Ça, c'est typique des gens de la pointe. Sur le sapin de Noël, par exemple, il y a un gilet de sauvetage. Oui, oui, oui. Des gilets de sauvetage. Il y a des pavois de joute. C'est des trucs que la mère apporte, qu'ils trouvent. La craquette, vous voyez, ça, c'est sa maison. Parce qu'à la pointe Courte, chacun a un surnom. Il y a le Grondin. Alors à Marseille, ce sont les petits bateaux de pêche, les pointus, mais ici ce sont les habitants, les pointus. Ouais, voilà, parce qu'ils habitent la pointe Courte. C'est ça. La pointe Courte de la Bordigue. Enfin, c'est un quartier qui était charmant, mais à l'époque c'était bien plus charmant. Maintenant, ils rêvent de New York, ils montent 2-3 étages, vous voyez. Ah oui, donc ça fait déjà un gratte-ciel voilà. ici. Hein. Voilà, moi quand j'étais à la pointe, c'était plein pied. Si on n'est pas de la pointe et qu'on vient vivre ici, c'est facile de s'intégrer ou. Aujourd'hui ? Alors, à l'époque, c'était facile. C'était vraiment pas difficile. Les pointus, ils sont très accueillants. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ce soit un autre que moi qui vous l'explique, quelqu'un de la pointe. Il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons, des Parisiens, des étrangers, et ils se conduisent pas trop bien. Ils prennent les pointus du de haut. Alors ça, les pointus, c'est comme les Corses. Ça vous voyez. Leur plaît pas. Hein. Il faut pas aller en Corse, leur dire du mal. Dans les maisons, on n'avait pas l'eau. On allait chercher l'eau à la fontaine. On lavait à la fontaine. La fontaine, c'était un endroit formidable, un endroit social où on se retrouvait, où on parlait, où les femmes discutaient, où les nouvelles passaient, tout ça. Et comme on n'avait pas l'eau, on n'avait pas de toilette à la maison. Et derrière, il y avait des cagassiers, qu'on appelle. C'était des cabanes en bois qui étaient plantées sur des pilotis sur l'étang. Pour y accéder, il y avait une planche. On ouvrait la porte, il y avait une planche avec un trou et du papier journal qui pendait. Donc on faisait nos besoins naturels directement dans l'étang. Et ça s'appelait les cagassiers. La dernière était là, mais ils l'ont enlevée. Donc c'est tout tombé dans l'étang. Ah oui, oui. Et alors, il y a un truc là, sur le quai, très, très typique, je vais vous expliquer ce que c'est. Ma cousine, qui fait partie des plus anciennes familles de la Pointe, parce que la Pointe, c'est comme Sète, il y a les familles anciennes et les familles nouvelles. Nous, on est les premiers, on s'installe dans les cabanes. Et ma cousine, Pierrette Molle, qui est un grand nom de la Pointe, la famille Molle, c'est vraiment une famille fondatrice, Et donc, elle en a un peu marre de ces gens qui s'installent à la pointe. Et vous verrez en passant devant sa maison, là, on va y arriver, elle a marqué un panneau où il y a écrit « Authentique au pointu ». Ça veut dire « Moi, je suis une authentique au pointu, je vous emmerde ». Voilà. Oh Georges, oh toi j'ai besoin de toi là-bas. Toi il va falloir qu'on te fasse parler, lui vous pouvez. Et après on viendra te voir. Et Georges, si toi tu parles pas, qui c'est qui parle hein? Parce que ça me suit, vous voulez qu'on parle un peu pas toi et tout. Ah oui. Et avec qui je vais parler pas toi? Ah mais où? Oh, ça va pas si ça. Allez, Manchem aussi. Hein? C'est là que tu habites, je ne me rappelle plus. Je viens de te chercher dans une heure. Voilà, la traversée des Nesbar. Ah ben ça y est, tiens, elle est là. Je lui ai dit, si on a la chance, on rencontrera un vrai pointu. Ah oui. Voilà, là, il a... Voilà, là, j'ai un vrai là, pointu. Vous allez manger, je suis né au-dessus. Ah ouais. Au café. Ah ouais. Mes parents, ils avaient bougé, là. C'était pas comme aujourd'hui. Ah ouais. Oh, c'était... Il y aura 75 ans, là, le 8 avril. 75 ans. Ouais, ouais. Le café, c'était Bessard. Avec les conneries que tu as faites. Voilà. J'allais te le dire. J'allais te dire. Tu te rappelles les conneries qu'on lui a faites. Oui, c'est vrai. À Bessard. Mais il va vous raconter. Vous étiez interdit de séjour. On était interdit de séjour au café. Vous savez pourquoi on lui faisait des misères au cafetier Bessard? Parce qu'il n'était pas dans la pointe. Ah, c'est ça. Ton lit et toi, vous étiez interdit de rentrer. Interdit de séjour au bar. Ouais. Et tu vois, en vieillissant maintenant, je me rends compte qu'on n'était pas gentils. Hein? On faisait des choses pas gentilles. Tu volais pas là. Non. Voilà, c'est ça. Mais on était les pointus. On était haïssables, comme on dit ici. Tu sais, on parle de n'importe où. On peut voir la Martinique, on peut voir le Canada, on peut voir n'importe quoi. Eh bien moi, je suis bien ici. Et soir, mec. Tu te lèves, c'est le soleil. Face à mon père, il disait à la télévision, nous avons la meilleure piscine d'Europe. Sur Amen. Tu as un plein d'eau, le plus grand d'Europe. Regarde, tu as Saint-Clair, là-bas la mer. Mais bien sûr, c'est Lolo qui disait, moi la piscine j'en ai une mais elle est grande, c'était devant la porte. Tu vas pas en vacances, pour aller où? Tout le monde vient ici. Pardon, bien sûr. D'abord Antonin Barès, il disait, mais mon oncle, la Méditerranée est plus basse, parce que tout le monde descendait, il disait qu'on se faisait du poids. On sort de la maison et on plonge là l'été. Eh oui, oui. On était toujours dans l'eau, nous, toujours. Et maintenant les petits sont plus dans le canal. En plus, j'ai commencé à travailler à 13 à 14 ans là. On était dans les 470, des gens de pointe, qui faisaient à 95% la pêche. Maintenant, c'est différent, là. Il y a les Parisiens qui vont nous casser les couilles, hein. Nous, on est nés ici. Tu voudrais nous donner des ordres, hein. Mais bien sûr. En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne. Et voilà, ça, c'est vraiment la pointe. Ça c'est les conneries des pointus. D'une plage ou même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à la joue s'amuser tout seul ne suffit plus. Je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Nous allons parler cuisine sétoise avec Jean Brunelin. Dans ce premier Suivez le Guide à 7, Jean fut aussi cuisinier restaurateur. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Il y a Jean Brunelin vraiment une... Alors, cuisine sétoise. Alors, cuisine sétoise, c'est un... Ça veut dire quelque chose? C'est un sujet très important. Très important parce que beaucoup de gens se fourvoient. 7 est un carrefour de civilisation méditerranéenne. Quand les premiers sétois sont arrivés à l'endroit où vous êtes là, ils ont pris le train en marche d'une cuisine installée dans l'étang de Thau. C'était la cuisine traditionnelle de l'étang de Thau, qui vient du monde antique, parce que au bord de cet étang de Thau, il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, Et donc, il y a un tronc commun de cuisine depuis cette époque. C'était la cuisine de l'étang. Les premiers Sétois qui arrivent, ils viennent de Catalogne et du nord du département. Moi, Catalogne, c'est vous. Mmh. Oui, mes parents arrivent de Catalogne en 1680. Hein. Et ces gens, non seulement ils apportent leur cuisine à eux, mais ils prennent le train en marche de la tradition culinaire de l'étang d'Otto. Après, cette cuisine de l'étang d'Otto, moi j'ai pas peur de dire, parce que j'ai écrit un livre sur la cuisine sétoise, qui a été le premier et qui est le seul. Hein. Moi je dis toujours, et j'ai pas peur de le dire, que la vraie cuisine sétoise des origines a disparu. La cuisine sétoise d'aujourd'hui n'est pas de cette. Alors j'en ai surpris beaucoup quand j'ai dit ça. Quelle est la cuisine sétoise d'aujourd'hui? Vous avez la tielle. Je m'excuse, mais la tielle n'est pas de cette. La tielle est une spécialité de Gaète. La tielle n'est sétoise que depuis 1935. Donc Gaète, c'est en... En Italie. En Italie. C'est au nord de Naples. Mm-hmm. La tielle est une spécialité historique de Gaète. Et c'est les gens de Gaète qui l'ont amenée. Moi, la tielle sétoise, ça me fait bien rire. Alors la tielle, pour dire ce que c'est. Donc c'est alors, une tourte. La tielle, tourte. C'est... C'est, on pourrait une, dire que c'est une tourte, sorte de tourte hein, farcie avec de la pâte à pain qui est faite avec du poulpe. Avec du poulpe. Et pas n'importe quel poulpe. À 7, le poulpe s'appelle le poufre. Le poufre. Et voilà. C'est farci, comme vous dites, avec du poufre de roc. De la tomate, de l'ail, un peu de piment. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à Gaète, il y en a 5 tielles traditionnelles. Ah. Moi, je les connais toutes. À 7, il a été vulgarisé que la tielle de poulpe. Alors, ces Italiens qui étaient pauvres, ils étaient dans leur quartier, là-haut. Oui, parce que c'est un plat du pauvre. Hein. Totalement. Mmh. Le père pêchait des poufres, ils n'avaient pas de sous. La mère, elle faisait le cartable au petit en prenant une vieille voile, en lui fabriquant un cartable. Et le petit, en allant à l'école, il prenait la tielle que la mère avait faite, il la mangeait, mais il se cachait, il ne voulait pas se montrer à l'école. La première personne qui a osé proposer à la vente aux Sétois une tielle, c'est une nommée Adrienne Verducci. Donc elle rentre dans la légende. Donc ça, on est dans les années 30, effectivement. Voilà. Adrienne Verducci avait un petit étal de coquillages à la civette. Hein. Et cette Adrienne Verducci était mariée avec un nommé Bruno Verducci. Mais Adrienne Verducci, son nom de jeune fille, c'est... Alors, c'est Adrienne Pagès, c'est ça? Alors, vous allez voir. Dans toutes les légendes qu'on lit autour de cette tielle, j'ai lu sur des magazines une maman italienne du nom d'Adriana Verducci. Ils ont même changé Verducci. Le prénom, ils l'ont appelée Adriana. Alors tout ça, c'est la légende. Mais je veux remettre en place les recettes. Parce que les recettes, ça devient n'importe quoi aujourd'hui. Alors le poulpe de roc, je peux vous dire qu'à 80%, on en est loin. Amis, chantons ce plat qui nous honore. Glorifions ce mets très délicieux. Viennent de chez nous, que tout le monde adore, car c'est vraiment le délice des dieux. Depuis longtemps, si ma mémoire est bonne, tous les dimanches, c'était un plat royal, principalement cuisiné par les hommes. C'est du nanan, un bonheur du régal, c'est un plat qui vient de chez nous. On peut peut-être parler de la macaronade aussi. Alors, cette macaronade... Donc on ne déconne pas avec la macaronade ici. Ah, on ne plaisante pas. On ne déconne pas avec la macaronade, mais c'est comme la tielle, ça dépend chez qui. Cette macaronade, la majorité des gens, ils croient que ce sont les Italiens qui l'ont amenée. Il n'y a rien de plus faux. La macaronade a été codifiée et inventée à 7 par les Italiens, mais ils ne l'amènent pas. Macaronade est un terme générique. En Italie, tout ce qui se fait avec des macaronis, c'est une macaronade. Mmh. Si on met des macaronis avec des moules, c'est une macaronade de moules. Mmh. Si on met des champignons avec des macaronis, on fait une macaronade avec des champignons. Oui. Et si on, alors, fait des, si on met des spaghettis, c'est une spaghettonade. Voilà. Alors voilà pourquoi des gens se trompent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que tout ce qui est rouge avec les pâtes, c'est une macaronade. C'est faux. Même s'il n'y a pas de macaronis. S'il y a des spaghettis, c'est une spaghettade. Cette macaronade, elle est née au quartier haut chez les Italiens. Mais elle est née à 7. Alors, les Italiennes, il y en a une qui met une poupiette, une brajole, sa voisine le voit, elle fait pareil, puis une, elle met la saucisse, moi je mets la saucisse. Et peu à peu, ça se codifie en une chose précise qui devient la macaronade. Et moi j'ajoute toujours la macaronade à la sétoise. Alors la vraie macaronade, jusqu'aux années 70-80, le dimanche, c'était la macaronade chez les vrais sétois. Et il se trouve que ma mère, dans ma jeunesse, le divorce de mon père, et elle se marie avec un Italien pur sang, vrai des vrais. C'est la famille de cet Italien qui apprend à ma mère la macaronade et la vraie des vrais. Et moi, toute ma jeunesse, ce sont les tantes à Valonne, hein, elles avaient chacun un étage dans la rue Lazare-Carnot, elles faisaient sécher les pâtes au balcon, elles faisaient le tomate sécher au soleil. Et moi, c'est là où j'ai été vacciné dans la civilisation des pâtes. Et j'ai dit, cette macaronade, il faut la lancer. Je ne vois pas pourquoi il y a à Castelnaudary, ils font les charmants avec la confrérie du cassoulet. Et bien j'ai dit, moi, je vais faire la confrérie du tasse macaronade, des mangeurs de pâtes. Ouais. Et cette confrérie qui a été créée en 80, on a fait plein de choses, on avait la robe rouge, les chapeaux et tout. On faisait les championnats du monde, tout simplement. Championnat du monde de la macaronade. Hein. Tous les jeunes de 7, ils venaient manger à mon restaurant, ils me disaient, moi c'est ma mère qui fait la meilleure. Il y avait 100 jeunes, il y avait 100 mères qui faisaient la meilleure. J'ai dit, on va voir ça, je vais organiser les championnats du monde. Et pourquoi pas du monde de la macaronade. Et la macaronade a suivi son chemin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on la connaît partout. La première guitare qu'il m'avait donnée, on me l'a volée. Ça m'a fait de la peine parce que c'était ma première guitare. Il se rattachait à une période de ma vie et puis à quelque chose d'important, le fait que Grillo m'avait donné cet instrument. J'en ai quand même pas pleuré longtemps. Pourtant, ça, c'était très important. Je peux perdre n'importe quoi sans chagrin. Je perds des hommes, des chats, des chiens et des femmes avec chagrin, mais les objets non. Même, je pense, une maison, vous voyez, n'a pas d'importance non plus. Il n'y a aucune chose à dire que je sois profondément attaché. Et alors, il y a quoi donc dans la macaronade à la sétoise? Donc, il y a trois viandes différentes. Il faut trois viandes. Trois viandes, hein. Il faut la brajole, qui donc est une la brajole, c'est la paupiette. La paupiette qu'on fait avec du paleron en général, certains y mettent de la joue de bœuf, qui est plus gélatineuse, mais la joue de bœuf tient moins le choc à la cuisson, parce que la macaronade, elle cuit 3 heures. Ça va cuire doucement. Hein. 3 heures. 3 heures. Il y a les farces de la brajole qui diffèrent. Hein. En général, on y met un hachis d'ail et de persil et un peu de lard. Il y a le croustillou de porc, le plat de crottin, des morceaux, et il y a la saucisse. Voilà les trois viandes. Il faut qu'on vous serve à l'assiette avec ces trois viandes dessus. Les restaurants, ils mettent qu'une viande. C'est comme si on faisait un Beckehoff en Alsace avec une seule viande alors qu'il en faut trois aussi. Hein. Voilà l'histoire de la macaronade. C'est vrai que ça surprend quand on ne sait pas que finalement l'un des plats phares de cette au bord de l'étang de Thau, au bord de la mer, soit un plat de viande et pas un plat de poisson. Alors c'est là où je vous rejoins. Toute la cuisine sétoise connue aujourd'hui, quand on vous sert dans les restaurants, il n'y a rien de sétois. Alors qu'est-ce qu'il y a à cette? À cette, on vous dit, la cuisine sétoise, c'est l'abouride de Beaudroit. Moi, je m'excuse, mais l'abouride vient de Provence. Elle a été ramenée à Sète par les gabarres de bateliers qui venaient de la foire de Beaucaire et qui s'arrêtaient à La Pointe. Ils s'arrêtaient là et ils ont expliqué cette recette aux gens de La Pointe. Et c'est de là qu'est partie l'abouride. Alors après, on vous dira à Sète, un plat traditionnel de Sète, ce sont les moules farcies. Ah, les moules farcies de Sète, alors tous les touristes demandent ça. Je m'excuse, mais les moules farcis, ce sont les gens de Gaète qui l'ont amené. Les encornés farcis, c'est pareil, ça vient de Gaète. Alors qu'est-ce que c'est la cuisine de Sète? C'est la cuisine qu'on faisait à La Pointe. Les courbouillons d'anguilles, la gibelotte, le riz au clovis. Et cette cuisine s'est perdue, on ne l'a fait qu'à La Pointe. Ça, c'est la vraie cuisine sétoise, des origines. Alors après, il y a eu un mélange extraordinaire. Les Espagnols, à la guerre d'Espagne, les vendangeurs qui se sont fixés, eux, ont amené des choses. Les Catalans ont amené la salaison du poisson, les anchois. Les Pieds-Noirs, quand ils sont arrivés, ils ont amené beaucoup de choses. Dont notre cuisine sétoise aujourd'hui. C'est une cuisine métissée. Voilà. C'est une mosaïque de culture méditerranéenne. Mais si on parle de la cuisine sétoise traditionnelle des origines, c'est celle de l'étang. Nautrician de Bumbi Belu dimenchanang à la barraqueta ma giallo courbouillou, la soupa de pei à la moa de setai. Per se regalada quel bundina, lu café de suita e siam per arriba. Alla fin del mondo senza chagrina, e siamo per arriva. Alla fin del mondo senza chagrina. Quittons Jean Brunelin dans ce premier 5 à 7 pour mieux le retrouver dans la seconde émission. Nous parlerons davantage de Brassens avec les amis de Georges. Lisa Miranda de l'Office de Tourisme nous attend. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Voyage inhabituel de Georges Brassens, chez lui, jouant avec son perroquet. D'habitude, il m'embrasse, là, mais... Déjà, il n'est pas décidé, là, non ? Pas tellement, non. Il a peur, un peu. Il est cabotin, mais il choisit son public. Il faut qu'il soit un peu habitué. Viens, petit, viens. Lisa, vous êtes guide, notamment, hein. Enfin, vous avez d'autres activités à l'office du tourisme de Sète. Peut-être un petit mot pour décrire l'endroit où nous nous trouvons, Lisa. Alors, l'office du tourisme est juste derrière nous, facile à trouver, centrale à Sète, mais on a une vue tout à fait exceptionnelle. On a traversé la rue et on a un joli point de vue sur le port. Oui, on a la chance d'être situé vraiment au cœur du port de Sète. L'office de tourisme surplombe ce quartier historique, face à nous des canaux, les thoniers sétois, qui ont fait la renommée de Sète, hein, de cette activité de pêche, des thoniers, des chalutiers, une activité maritime toujours dynamique. Les façades de Sète, les toutes premières façades du XVIIIe siècle, et ces canaux qui se développent tout au long de la construction de ce port, tout donc au long c'est, du XIXe. C'est vraiment une ville de canaux. Hein, cette, ville de canaux, ville d'eau, une île singulière. Nous sommes entourés d'eau, la Méditerranée au sud, l'étang de Thau au nord. Donc c'est un paysage complètement atypique. Elle est surnommée la petite Venise du Languedoc. Voilà, on bavarde en fin d'année. Du coup, les bateaux de pêche, thoniers, chalutiers sont à quai. Les thoniers partent en campagne de pêche uniquement une fois par an. On part en campagne. Donc on a des quotas qui sont imposés aux thoniers, on le sait, pour protéger l'espèce du thon rouge qui était menacée il y a quelques années. Donc c'est mi-mai que nous voyons les thoniers quitter le port de Sète et rentrer quelques semaines plus tard. C'est une fois par an. Ils partent sur les Baléares majoritairement, pêcher, capturer le thon qui est vendu dans des fermes marines sur place. Le thon qui est dégusté à Sète, le thon est pêché par les petits métiers, non pas par ces grands mastodontes, ces grands thoniers. C'est pour le marché asiatique. Ah, pour le marché asiatique. Complètement. Japonais sont friands de ce poisson. Mmh. Donc on pour est les sushis. C'est pour les sushis, c'est ça. Et les chalutiers, par contre, les captures de poissons des chalutiers sont présents dans les halles de Sète, dans le marché, et puis un petit peu partout en France, à l'export. En général, si on veut les regarder quitter le port, enfin quitter les canaux, c'est à quel moment? Chaque nuit, du lundi au vendredi, autour de 3h du matin. Ils sont 14 chalutiers actifs aujourd'hui. Ils partent à 4h du matin, ils rentrent autour de 16h, en milieu d'après-midi, un peu plus tard l'été. Il y a des touristes qui se lèvent à 3h du matin pour les voir. Ils sont peu nombreux. Il y a quelques curieux. Il y a une poignée de curieux. Plutôt qui ne sont pas encore couchés, c'est peut-être ça. Voilà, aussi des fêtards. Mais on a des demandes de touristes qui souhaiteraient embarquer à bord des chalutiers. Ça s'est fait. Ça se refera peut-être à nouveau. C'est le pescatourisme, c'est ce concept-là. Pescatourisme, oui. Ça a existé. Et c'est vrai que voilà, les touristes sétois ont envie de découvrir ce métier-là, le métier du pêcheur fascinant. Sont les pêcheurs qui historiquement participent aux joutes. Donc les joutes, c'est l'événement le plus public de l'année, qui draine le plus grand nombre de visiteurs, de touristes chaque année ici à Sète. Oui, c'est un grand rendez-vous qui vient célébrer la fête de Sète, les fêtes de la Saint-Louis, Louis XIV étant le créateur de notre ville. Fin août, les pêcheurs sont souvent jouteurs par tradition, effectivement, mais pas que. Et effectivement, ces hommes montent... Parce qu'ils ont le pied marin, donc ils sont plus à l'aise. Pied marin, des hommes sportifs, qui ont quand même un métier qui les maintient en forme, évidemment. Des conditions physiques compliquées, difficiles. Donc les jouteurs, les sétois sont présents chaque année, s'affrontent sur ces barques. Comment ça se passe alors lors c'est, de ces joutes? C'est assez exceptionnel parce que c'est inchangé depuis 350 ans. On est toujours sur ces barques en bois qui sont manœuvrées à la main par 10 rameurs. Et on va avoir un jouteur qui porte un pavois, une sorte de bouclier, et qui tient dans sa main une lance munie d'un trident. L'objectif étant de maintenir ses deux pieds sur ce petit palier qu'on appelle une tintaine. C'est une forme d'échelle qui est reliée à la barque. Ils sont à quelques mètres de la surface de l'eau. Et l'idée est de mettre à l'eau son adversaire. L'autre. Mais y a-t-il des jouteuses? Il n'y a pas de jouteuses. Non. Il n'y a jamais eu de jouteuses. C'est un sport. Sétoises ne militent pas pour ça. Les sétoises ne viennent supporter leur mari. On est dans cette tradition-là. On a un tournoi, le tournoi de la presse, qui lance le début des fêtes de la Saint-Louis, où là, on a des journalistes, femmes et hommes, à mixité et chez les journalistes. Je vais vous dire une chose, Lisa, j'ignorais totalement que Sète ne s'écrit Sète, S-E, accent grave, T-E, que depuis le 20e siècle, la fin 1928. Des 28, ouais. Oui. Mais qu'avant ça s'écrivait 7, C-E-2-T-E, exactement comme un pronom démonstratif. Absolument, c'est un décret municipal qui a fait voter ce changement d'orthographe pour plus qu'il y ait d'équivoque avec ce pronom-là. Mais sur les vieilles cartes postales, les vieilles affiches de 7 stations balnéaires, on a cette orthographe, ce C-E-2-T-E. Alors c'est resté une marque, hein. Certains commerçants, certains fabricants, certains produits du terroir jouent avec cette vieille cette orthographe pleine de charme. Oui, hein, c'est ça. On aurait pu écrire avant, je t'envoie cette 7 carte postale de 7 écrit pareil. Absolument, tout à fait. Alors on joue beaucoup, il y a plein de jeux de mots, hein, 7 à 7, voilà. C'est vrai qu'elle est dénommée l'île singulière par Paul Valéry, à la petite Venise du Languedoc. Elle a toujours attiré de grands artistes, des auteurs. L'identité vraiment maritime portuaire est forte, un port de pêche, un port de commerce, un port d'escale avec des paquebots de croisière, hein, qu'on accueille en cœur de ville. On a la chance d'avoir un bassin d'honneur là, à deux pas de l'office de tourisme. Donc avec des paquebots de croisière, hein, des paquebots qui font le tour de la Méditerranée. Et puis une ville de près de 45 000 habitants, donc qui fonctionne tout au long de l'année. Hein. Je ne sais pas si c'est du pessimisme, mais enfin, en tout cas, dans mon expression, j'essaie d'être gay dans l'expression. L'expression est gay. Et on m'a tellement dit que j'étais triste. Vous savez, j'écoute assez souvent la radio, si je ne regarde pas trop la télé, et la plupart des chansons que j'entends me paraissent infiniment plus tristes que les miennes. C'est infiniment plus triste. Brassens attire beaucoup. Les touristes parlent-ils, enfin, bien sûr, ça dépend de quel pays ils viennent, mais parlent-ils beaucoup de Brassens à 7? Oui, les touristes francophones, bien sûr, nous demandent où est-il né, où est sa maison natale. Il y a une plaque. Hein. Il y a une plaque, hein, sur sa maison natale. Hein. On a créé, bien sûr, en 1991, 10 ans après sa disparition, un lieu. Hein, un lieu muséographique, l'espace Brassens. Très beau lieu. Cimetière. Face au cimetière où il repose. Un lieu où c'est Brassens lui-même qui se raconte. Je trouve que c'est un lieu à son image, plein de simplicité, avec de très beaux documents d'archives, avec bien sûr de la musique, hein, de très belles vidéos. Ça peut être, hein, chez certains visiteurs, le déclic, l'acte qui fait on va aller à 7, on va aller se recueillir sur la tombe de Brassens. Donc de la naissance à la mort bien de Brassens. Bien sûr. On connaît des endroits qu'il aimait ici. Oui. La pointe courte, oui. Hein, évidemment, il y avait ses habitudes, il y avait ses amis. Lolo. Il a passé beaucoup de temps, hein, sur la mare des Canards et il aimait passer du temps, évidemment, sur la plage, hein, de la Corniche et puis sur ses quais, le quai de la Marine, hein, à travers les canaux de Sète. Il a étudié au lycée Paul Valéry. Il est tombé amoureux, il est tombé amoureux des lettres grâce à son professeur, M. Bonafé. Il a passé du temps dans le parc du Château d'Eau, en ville. Voilà, ça lui a inspiré la chanson des bandes publiques. C'était un homme attaché, hein, à sa ville natale, ouais. Bien sûr. Donc, et on va bien sûr, mais qui revenait régulièrement. Oui, c'est ça. Et donc, discrètement aussi à 7. Et on va se recueillir sur la tombe de Georges Brassens au cimetière marin. Alors ça, c'est une erreur qui est... Voilà, on entend, on rectifie, on reprend les gens. Les gens pensent que Brassens repose naturellement au cimetière marin, ce magnifique lieu qui domine le port, l'entrée du port de Sète. Non, il repose dans son caveau de famille, dans un cimetière côté étang de Thau, à l'opposé de la ville. Mais c'est pas le cimetière marin. Non. Bon, il donne sur la mer. Enfin, il donne sur l'étang. Voilà, il donne sur l'étang. Le cimetière où repose Brassens, c'est le cimetière Le Py. Il donne sur l'étang de Thau. Le Py, L-E, plus loin, P-Y. Ouais, alors que moi, j'ai toujours entendu parler de Brassens au cimetière marin. Ouais, le cimetière marin, il a été encensé par Paul Valéry. Paul Valéry, c'est bel et bien au cimetière marin. Bien là. Sûr, Paul Valéry, Jean Villard également. Cimetière marin. Tout à fait. Donc ce sont dans deux cimetières différents. On a tendance à dire le cimetière des riches pour parler du cimetière marin, hein, avec cette vue sur mer pour l'éternité. Donc il n'est pas celui de Brassens. Et Brassens, c'est dans son vous me l'apprenez, famille. Lisa. Oui, c'est vrai, voilà, que... Vous voyez l'office du tourisme remplit ses missions. Vraiment. Oui. Donc on va se recueillir sur la tombe, ouais. Alors, au cimetière Le Py. Et si on va au cimetière marin, je suppose que ce serait dommage de ne s'arrêter que sur la tombe de Paul Valéry, oui. et de Jean Villard. C'est un lieu unique, hein. C'est un lieu magnifique, incroyable. On est en contrebas du Mont-Saint-Clair, en flanc de colline. Mm-hmm. Vous êtes juste à côté du musée Paul Valéry, qui est un superbe lieu également, un musée d'art moderne. Le centre de Sète, enfin de cette île finalement, puisque c'est une île aujourd'hui, c'est le mont Saint-Clair. Oui. Donc si on veut être en plein centre de Sète, il faut monter. En tout cas, voilà, ce point culminant à 183 mètres de haut, C'est la Croix, c'est le belvédère du Mont-Saint-Clair. Vous avez un paysage époustouflant. Vous balayez à 360 degrés et la Méditerranée et Sète, son centre-ville, son port de pêche, son port de commerce, les villages de l'étang de Thaux, le massif de la Gardiole au loin. Hein, on a une vue sur l'arrière-pays. C'est un lieu incontournable à Sète. Ce belvédère-là, la Croix du Mont-Saint-Clair, avec une très jolie chapelle attenante où on y trouve des ex-voto, des pêcheurs qui viennent remercier Notre-Dame de la Salette pour sa protection. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits-enfants diront chouette un château de sable. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie. On retrouve un autre point culminant tout aussi intéressant. À l'entrée ouest, c'est la forêt domaniale des Pierres Blanches. On évolue toujours sur cette montagne calcaire, boisée de pins, et une forêt domaniale d'une vingtaine d'hectares avec un superbe point de vue sur les plages de Sète, un très beau littoral. On obtient chaque année le pavillon bleu, d'ailleurs un label, hein, pour la qualité de nos eaux. Et ce lido qui rejoint Marseillan au loin la cité d'Agde, et au loin on aperçoit les Pyrénées, hein, le mont Canigou, les Pyrénées orientales. La forêt des Pierres Blanches mérite également le détour. Êtes-vous sétoise, vous, Lisa ? Je suis sétoise. Hein, j'ai passé mes vacances à Sète. Je n'ai pas été élevée ici, mais j'y passais mes vacances. Et à âge adulte, j'ai fait le choix de m'y installer, de vivre ici. Alors, le plaisir dans la vie à Sète, pour vous, quel est-il ? Le plaisir, ce sont les lumières. C'est ce soleil avec ces reflets marins. L'eau est là en permanence. Puis cette qualité de vie, on vit dehors, hein, on vit dehors tout au long de Vous l'année. Avez des petites factures de chauffage à Sète. Des petites factures de chauffage, c'est prendre le bateau, c'est partir sur l'étang, hiver comme été. Les gens sont conviviaux, hein, les gens sont simples d'accès, les gens ont gardé cette identité. Il y a peu de lieux où on retrouve cette authenticité-là, dans l'art de vivre aussi. Aujourd'hui, il y a quoi ? Alors, qu'est-ce qui porte à Sète le nom de Brassens ? Alors, vous avez sa rue, hein, la rue de sa maison natale, la rue Brassens. Vous avez un joli cabaret, les Amis de Georges. Et voilà, il est dans le cœur des Sétois, et dans Brassens. Le cœur des visiteurs, l'espace Brassens, qui est le lieu, un lieu extrêmement fréquenté, avec des expositions qui se renouvellent, une muséographie qui est sans cesse renouvelée. Brassens, l'homme de scène, voilà. Brassens, voilà tous les aspects de sa personnalité. Alors, et qu'est-ce qui porte le nom de Paul Valéry ? Alors, vous avez le musée, le musée Paul Valéry, qui lui rend hommage. Et puis le cimetière marin, qui est un hommage à Paul Valéry. C'est le nom d'un poème de Paul Valéry. Le cimetière marin a été rebaptisé en hommage à ce poème. Il s'appelait cimetière Saint-Charles, jusqu'en 1947, il me semble. Juste après sa disparition, la ville a eu la volonté de le rebaptiser. Et qu'est-ce qui porte le nom de Jean Villard ? Le théâtre de la mer, le théâtre Jean Villard, tout simplement. Donc tous les enfants de Sète, Sète reconnaissante à tous ces enfants. Bien sûr. Alors on a Agnès Varda aussi qui est venue réaliser son premier long métrage, La Pointe Courte, avec Philippe Noiret, qui était jeune premier à l'époque, et Sylvia Montfort. Agnès Varda, elle a été accueillie théâtre, au musée Paul Valéry. Hein, elle a été accueillie, elle est plasticienne aussi. Elle touche un peu à tout, une femme étonnante. Citoyenne d'honneur de la ville. Citoyenne d'honneur de la ville aussi, Agnès Varda. Elle est présente, d'ailleurs, elle a laissé des œuvres au musée Paul Valéry. Monsieur Soulages vit à Sète également. Il est installé à Sète. Il a épousé une sétoise. On a le plaisir d'avoir Monsieur Soulages parmi nos concitoyens. Très âgé, Pierre Soulages, oui. Si ma peinture ne rencontre pas l'anecdote figurative, elle le doit, je crois, à l'importance qui y est donnée au rythme, à ce battement des formes dans l'espace, à cette découpe de l'espace par le temps. Nous avons cité quelques célébrités, donc Brassens, Georges Brassens, Jean Villard, Paul Valéry. On a oublié d'en citer une, c'est Candice Renoir. Oui, Candice Renoir qui fait partie maintenant de notre actualité télévisuelle. Alors, elle a élu domicile, elle et son équipe à Sète. Et donc, ils sont présents, les tournages ont lieu chaque semaine dans différents quartiers. Les Sétois sont figurants, il y a des castings régulièrement. Et les visiteurs à l'office de tourisme nous demandent où est Candice, où le commissariat de Candice Renoir se situe. Vous avez réponse à tout ça ? Oui. On essaie de se tenir quand même informé. Le commissariat est face à la gare, effectivement. D'ailleurs, c'est visible, il y a des projecteurs sur les balcons, ils sont en place. Les extérieurs sont tournés à Sète et sur le bassin de Thaux. Et les intérieurs également. Hein, voilà. À 7 aussi. À 7. Hein. Ah, c'est entièrement ces toits. Ces toits, bassin de taux. C'est complètement, c'est du 100% local, hein, Candice Renoir, complètement. En termes d'image, hein, de visibilité, c'est extrêmement positif pour nous. Bah oui, parce que s'il fallait payer tout ça, ça coûte très cher. Bien sûr. Mais on a toujours été aussi une terre de réalisateurs. Hein. C'était Abdelatif Kechiche qui avait réalisé La Graine et le Mulet à 7. Pierre Salvadori avec Nathalie Baye et Audrey Tautou. Il y a quelques années, c'était une comédie de vrai mensonge. C'était entièrement tourné à 7. Donc là, c'est la première fois qu'on a vraiment une série qui s'installe ici. À suivre. Mais c'est un plaisir. Merci beaucoup, Lisa. Merci, c'était un grand plaisir. Ben, partagez. Merci. Fin de ce premier 5 à 7. Grand merci Jean Brunelin, que nous retrouverons. Merci Lisa Miranda. Suivez le guide à 7 préparé avec la complicité de Marie-France Parra, chargée des relations presse à l'Office de tourisme de 7. Sur le site de l'Office de tourisme, vous trouverez la recette de la vraie macaronade, signée Jean Brunelin, et le chemin vers le bloc-notes culinaire de Jean Brunelin est facile à trouver. Réalisation Romain Feocchio, le site de l'Office de tourisme de 7, tourisme-7.com. Vous en virez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant. Passe sa mort en vacances. Vous en virez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant. Passe sa mort en vacances.